Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Fadjet. Aujourd'hui, format un petit peu spécial, puisque avec Guillaume qui est là. Bonjour Guillaume, comment ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. On reçoit aujourd'hui Raphaël Pitti et Natalia Badnikova. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. On va commencer avec vous, Monsieur Pitti. Vous êtes médecin humanitaire et président de USOM, c'est ça, donc une ONG humanitaire qui œuvre à savoir en Ukraine notamment, mais aussi en Syrie et en Palestine, sur la bande de Gaza. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et nous sommes aussi au Soudan actuellement. Et également au Soudan. Et Natalia, vous êtes directrice administrative et financière au centre de formation de USOM en Ukraine, donc de l'ONG en Ukraine. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Parfait. Ensemble, on va parler non seulement de votre ONG, de vos actions, mais aussi on va faire un focus sur un point d'actu international, puisque la guerre en Ukraine dure depuis maintenant plus de 4 ans, et donc on va aussi pouvoir discuter un petit peu de ce que ça implique au quotidien pour le peuple ukrainien. On va démarrer déjà par vous présenter, je vous ai présenté, je vous ai donné vos titres, mais quelles sont vos fonctions, quels sont vos rôles au sein de cette ONG qui est USOM? On va commencer avec vous, Natalia. Qu'est-ce que vous faites exactement au quotidien dans le centre de formation de USOM en Ukraine? En fait, on organise 8 types de formations pour les médecins, notamment nous préparons... Nous avons 8 formations, c'est BLS et BS, c'est Basic Life Support et Bleeding Control, c'est arrêt d'hémorragie et les gestes basiques pour sauver la vie. Okay. Ensuite, il y a prise en charge des patients traumatisés. C'est une formation de 3 jours assez compliquée par tous les types de traumatismes. Nous avons une formation très intéressante pour les chirurgiens dans le concept de damage control. Pour sauver plus de vies, il y a des techniques spéciales, des protocoles, justement. On est très reconnaissant aux Français, aux chirurgiens français, spécialistes médecins qui nous ont amené ces protocoles. Tout ce qu'ils ont appris, ça vient de Français. Et okay. Nous avons travaillé davantage sur ces formations et on les a mis en place. Nous avons aussi la formation de prise en charge de la douleur aiguë. D'accord. D'autres, c'est la protection des hôpitaux lors des attaques chimiques et prise en charge des patients qui sont blessés par l'arme chimique. Ok. Et deux formations au niveau psychologique, c'est-à-dire le damage control psychologique. Dont je suis aussi le fondateur, est né en 2018. Et à l'époque, j'étais surtout centré, bien évidemment, sur la Syrie. Et en Syrie, ma responsabilité était la formation dans le cadre d'une autre ONG qui s'appelait UOSSM, Union des organisations des secours et soins médicaux. Et donc, j'avais la responsabilité de la formation des personnels soignants. D'accord. Durant ces 10 années, nous avions ouvert 4 centres de formation, formé 34 000 personnes durant toute cette période-là. D'accord. Et donc aujourd'hui, avec USOM, voilà, avec USOM, bien évidemment, nous sommes beaucoup plus autonomes, dirons-nous, d'une certaine façon. USOM reste en Syrie maintenant, s'occupe surtout des enfants dans les camps des déplacés qui sont dans la misère et qui ont besoin de lunettes et nous leur en donnons. Nous sommes en Ukraine depuis 2022 et nous formons le personnel soignant ukrainien à ce jour. Nous arrivons à pratiquement à 9000 personnes formées sur ces 4 années et plus de 500 chirurgiens ont été formés par nous. Et nous sommes à Gaza maintenant depuis 2 ans où nous distribuons de l'eau, nous avons des centres de soins primaires. Et nous avons aussi maintenant un orphelinat. D'accord. Donc, il y a quand même 3 gros volets, à savoir la formation du personnel médical soignant, l'action humanitaire au plus proche des civils. Vous allez pouvoir distribuer de l'eau, par exemple. Et puis, il y a aussi un volet autour de l'enfance avec l'orphelinat à Gaza. Et en Syrie, l'intervention, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, sur la protection de l'enfance. Et puis... D'accord. Et l'action au Soudan aussi que vous menez qui... Maintenant, depuis quelques mois, nous distribuons, par l'intermédiaire d'une association locale, nous distribuons des colis alimentaires aux populations déplacées du Soudan. Intervention donc dans 4 pays, hein, 4 zones en guerre dans tous les cas. Ça, c'est le cœur de ce que fait USOM. On a la chance de vous avoir aujourd'hui avec nous à Nancy tous les deux parce que cette semaine à Nancy, donc la semaine du 26 janvier 2026, vous organisez une formation pour être formateur à la pédagogie par simulation. Vous recevez du personnel de votre ONG qui sont également des enseignants de l'université, en tout cas de la fac de médecine de Lviv en Ukraine. Vous les recevez. Qu'est-ce que c'est la pédagogie par simulation ? Alors fondamentalement, c'est de dire qu'on ne peut pas être formé sur les malades. D'accord. Dès la première fois. On est à la fois, on peut voir que dans la formation, dans le cursus universitaire médical, vous avez trois parties, trois composantes. Une composante théorique qui est en amphithéâtre, si vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez ces connaissances de base, qui sont des connaissances théoriques, vous passez dans un centre de simulation qui est un hôpital virtuel qui recrée toutes les conditions de l'hôpital normal, mais à la place de patients vrais, vous avez des mannequins. Et donc, et l'apprentissage va se faire sur ces mannequins. Tous les apprentissages, d'ailleurs, tous les métiers soignants passent par ce centre de simulation, de l'aide-soignante, bien évidemment, jusqu'à tous les spécialistes, etc. Jamais la première fois sur le malade. Et ensuite, bien évidemment, ils vont à l'hôpital. Ils rencontrent le malade. Donc, vous avez un cursus et donc il y a une composante simulation. Et c'est maintenant cette pédagogie qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir l'appliquer, bien évidemment, aux étudiants. Et donc, cette formation, elle a lieu parce que, vous me l'avez expliqué quand on s'est eu au téléphone, grâce à l'Université de Lorraine et la Fac de médecine de Nancy qui, du coup, vous permet d'accueillir vos formés, vos apprentis, dans cette formation, dans leurs locaux, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En sachant qu'en Ukraine, nous sommes très proches de l'université de Lviv, bien évidemment. Les formations que nous faisons sont toutes accréditées par l'université de Lviv, bien évidemment. Nous sommes dans des recommandations qui sont des recommandations internationales sur le plan scientifique et nous n'apprenons pas aux Ukrainiens des choses qui ne sont pas recommandées sur le plan scientifique et sur le plan médical en particulier. Donc, il y a une proximité très importante pour nous de travailler avec l'université de Lviv et avec son doyen. Et j'avais voulu, bien évidemment, l'Ukraine est en phase de développement d'une manière très importante. Elle restructure ses hôpitaux, elle remodernise ses hôpitaux et elle crée à Lviv le premier centre hospitalo-universitaire. D'accord. En ce moment même, c'est ce qui est en train d'être créé. C'est depuis un an maintenant. Elle crée le premier centre hospitalo-universitaire qui n'existe pas auparavant, qui n'existait pas. Elle le crée à Lviv. Et donc, il paraissait très important de rapprocher le doyen de la faculté de médecine de Lviv de celui de Nancy, puisque je suis voisin de Nancy, que j'ai moi-même enseigné à Nancy en tant que professeur de médecine d'urgence et de catastrophe. Et donc, il me semblait intéressant de rapprocher ces deux universités. Et l'an dernier, le doyen de la faculté de médecine de Lviv est venu à Nancy et a signé un protocole de coopération entre les deux universités. Et là, vous voyez la concrétisation de ce protocole de coopération, où il y a pour la première fois une formation qui est mise en place ici, et des enseignants de l'université de Lviv et nos formateurs viennent se former à la pédagogie par simulation. Et donc, c'est aussi un des autres rapprochements, vous en parliez tout à l'heure, Natalia, des rapprochements qu'il y a pu avoir entre personnel médical ou médecin français, en tout cas, personne issue du milieu universitaire médical en France et en Ukraine. Ça, c'est un des nombreux rapprochements. Vous en avez parlé notamment dans les formations que vous dispensez dans votre centre de formation en Ukraine, dans votre centre de formation de USOM. J'aimerais qu'on revienne. Vous avez parlé de nombreux volets sur l'intervention. Donc, c'est important de rappeler aussi que c'est de l'intervention en situation de guerre sur lesquelles vous formez tout le personnel que vous avez déjà annoncé un peu plus tôt. Il y a un volet notamment sur la fatigue, la gestion du stress au travail, etc., dont vous avez parlé. En quoi, pour vous, c'est important aujourd'hui d'avoir ce volet de formation-là sur les professionnels qui sont en Ukraine pour vous à USAM? Si vous permettez, d'abord, j'ajoute une petite chose. Nous avons une antenne à Kharkiv. Kharkiv, c'est 35 km de la frontière russe. D'accord. Et nous avons aussi une petite équipe de formateurs qui travaillent là-bas, qui sont de Kharkiv et aussi viennent de milieu universitaire, l'université de médecine de Kharkiv. Ensuite, bien sûr que c'est important parce que c'est notre mission, sauver des vies. Et on sait que toutes les personnes formées sont capables de le faire davantage. Nous ne recevons pas seulement les médecins et infirmiers. Il y a, de temps en temps, nous arrivons à voir les gens qui font de l'évacuation, qui travaillent comme prêtres au sein de l'armée. Et tous ces gens sont comme au cœur des événements. Et il arrive aussi qu'ils doivent sauver la vie. Ça, c'est la chose principale. Ok, très bien. Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, de savoir aussi pouvoir gérer son stress pendant ces situations qui sont dramatiques et parfois, on n'est pas dans les meilleures conditions, en tout cas, espérées. Et puis même, j'imagine aussi que c'est le cas aussi dans les hôpitaux. En temps de guerre, vous expliquiez tout à l'heure que l'ambiance n'était pas très gaie, hein, je reprends vos mots, mais qu'effectivement, ça doit être un contexte très difficile et vraiment pas évident de travail. Cette guerre, elle dure depuis 4 ans. Elle a un impact, vous en parliez là, sur les professionnels déjà, dans un premier temps, j'ai envie de dire, en tout cas dans notre échange. Elle a quoi d'autre comme impact sur la vie, le quotidien et la situation mentale, je pense surtout notamment mentale du peuple ukrainien. Dans quel état d'esprit les Ukrainiens sont aujourd'hui? Est-ce que c'est un ras-le-bol, de la fatigue, de la colère? Quel est le sentiment qui prédomine chez la population ukrainienne? Un peu du tout, mais surtout la fatigue. Surtout la fatigue? Oui, parce qu'il y a tout d'abord, il y a beaucoup de pertes et beaucoup de pertes de jeunes. Tous les jours, nous avons des funérailles dans toutes les grandes villes et même dans les villages, un peu partout. Et ces processions passent devant nous tous les jours. Nous avons une minute de silence à 9h du matin. C'est-à-dire tout le monde s'arrête, les voitures, les gens, ils restent debout en silence pour commémorer les soldats qui sont morts à la guerre. Voilà, c'est de l'ambiance de perte de jeunesse. C'est pas seulement les pertes totales, mais il y a beaucoup de jeunes amputés, par exemple. Mmh. Et c'est très triste, c'est très regrettable que le fleur de jeunesse, on peut dire la jeunesse, qui périt dans cette guerre inutile. L'autre sentiment, bien sûr, la colère, parce que il n'y avait pas de raison pour cette guerre. Les Ukrainiens n'ont rien fait aux Russes. Et en plus, la fatigue que ça n'en finit pas et on ne sait pas quand ça va terminer, comment ça va terminer. Il y a une partie des territoires qui sont occupés. Il y a beaucoup de personnes déplacées. D'abord, c'était l'ouest du pays qui a reçu ces personnes. Il y a beaucoup de ceux qui sont partis à l'étranger. Et c'est la perte de leur vie, en fait, de leur maison, de leur vie habituelle. Et avec toutes les incertitudes aussi que ça implique, j'imagine, dans un quotidien. Vous parliez des gens qui ont dû quitter leur maison, qui ont même dû quitter le pays aussi. Effectivement, il y a aussi pour eux la question du potentiel retour un jour. En tout cas, ils l'espèrent et on l'espère aussi pour eux, de pouvoir rentrer chez eux en Ukraine et retrouver leurs habitudes. En tout cas, essayer de se reconstruire après 4 ans de conflit. Quel est le sentiment aussi d'un point de vue de ce qui se passe à l'international? Alors on sait que on entend beaucoup les Américains arriver avec des plans d'arrêt de guerre, etc. Quel est le sentiment de la population ukrainienne face à tous ces pourparlers diplomatiques finalement? Il est différent, mais ça dépend de niveau d'information que nous recevons. Il y a ceux qui s'intéressent, ils s'intéressent plus, et ceux qui n'ont pas le temps de s'intéresser trop parce qu'ils n'y croient pas trop. Mais le sentiment d'abandon un peu. Parce qu'on trouve que l'Occident a assez de force pour arrêter cette guerre, ou bien pour nous aider davantage. Et il n'y a pas on a le sentiment qu'il n'y a pas de volonté politique de le faire. De venir en aide aux Ukrainiens. Est-ce que du coup, la confiance qui a pu être installée par le passé entre l'Ukraine et l'Occident, est-ce qu'on a le sentiment qu'elle est brisée aujourd'hui? Est-ce que les Ukrainiens ont cette moins de pas confiance? Pas vraiment, parce qu'on est aidé quand même. Il y a beaucoup de pays occidentaux qui reçoivent nos personnes déplacées. Il y a quand même l'aide humanitaire importante. Mais aider, c'est une chose, mais arrêter la guerre, c'est une autre chose. Parce que c'est arrêter les pertes. Et c'est ça aujourd'hui qui, comme vous l'avez dit, qui est au cœur des sentiments ukrainiens, c'est les pertes nombreuses et continues de la jeunesse, notamment, vous en avez parlé, la jeunesse ukrainienne, la jeunesse. Qui du coup qui est impactée grandement. Et on peut dire que les jeunes ne peuvent pas sortir, quitter le pays. Maintenant, on a autorisé les jeunes jusqu'à 22 ans de quitter le pays, mais on ne sait pas jusqu'à quand. D'accord. Et après, jusqu'à 60 ans, on ne peut pas sortir pour les hommes. Oui, voilà, c'est ça qui est important de souligner aussi, c'est qu'effectivement, les hommes, donc entre 22 ans du coup et 60 ans, sont obligés de rester en Ukraine parce qu'ils peuvent être mobilisés à tout moment, c'est ça? Oui. C'est bien ça, possible d'être envoyé au front, etc. Oui. Ils peuvent même être mobilisés dans les rues. Même être mobilisés dans les rues aussi? Oui, c'est... Ouais. D'accord, ok. Donc vraiment, il y a vraiment un climat, c'est vraiment l'incertitude en fait qui est au cœur de tout ça aussi, de ne pas savoir en fait, quand est-ce qu'on va être mobilisé, de savoir aussi ce qui peut arriver. Vous parlez des territoires occupés, mais les territoires sont occupés pour combien de temps? C'est la grande question aussi qui est autour de cette guerre, c'est la question du temps, combien de temps ça va encore durer, combien de temps la situation va être telle qu'elle est, dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Quel est, selon vous, et là je vous pose la question à tous les deux, au nom de Hussam, qu'est-ce que vous demanderez aux gens de faire ou d'envoyer ou autre? Quels sont les actes qu'on peut faire pour pouvoir aider l'Ukraine aujourd'hui depuis Nancy ou ailleurs? Alors, il y a un impact très important sur l'ensemble de la population et en particulier sur le plan économique. La vie, l'inflation est très importante, la vie est très chère, et donc les salaires n'ont pas véritablement augmenté, et ça touche énormément les pensionnés, c'est-à-dire les retraités, les handicapés, les personnes qui vivent de pension. D'accord. Et là, ils sont directement dans une situation qui est en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont dans la précarité. Il suffit d'aller dans les centres de distribution de la nourriture, comme je l'ai fait il y a quelques semaines de ça, et vous aviez une queue très très importante dans une association qui s'appelle Eleos. Nous allons essayer de voir comment nous pouvons les aider, contribuer à les aider pour distribuer davantage de repas. Ce jour-là, ils avaient distribué 175 repas et vous avez énormément de monde qui était parti sans manger. D'accord. Et donc, il y a cette situation de précarité qui est très importante. Alors, si on veut aujourd'hui aider les Ukrainiens, c'est sur cet aspect social et pour lequel il faut... Généralement, les médias, et vous êtes le premier à poser la question, à me poser la question par rapport à l'Ukraine, d'habitude, on s'intéresse justement à la guerre, qu'est-ce qu'il en est de la guerre, des bombardements, etc., de la situation politique, et personne ne prend en compte l'impact sociétal de cette guerre sur les Ukrainiens. Sur la population ukrainienne. Sur la population ukrainienne. Effectivement, comme on l'a dit, est aujourd'hui démunie de plein de façons différentes. Tout à fait. Voilà. Et donc, effectivement, c'est important de se poser la question de comment est-ce qu'on peut aider cette population. Vivre la chose le moins mal possible, on va dire finalement, parce qu'on ne peut pas rendre la situation meilleure ni bonne. Et ce que disait Natalia tout à fait, c'est l'impact psychologique et le fait que nous puissions être présents en Ukraine, que l'Occident soit présent, que nous aidons la population, ça aide bien évidemment à résister. Après, il faudra se reconstruire, bien évidemment, et c'est la résilience. Mais là, pour l'instant, il est important de faire aider les Ukrainiens à être capables de résister. Ça fait 4 ans qu'ils résistent, ils sont épuisés, et il faut qu'on leur montre, bien évidemment, notre présence pour les soutenir de cette façon. Et donc, c'est très important. Et l'aide, je pense, la solidarité doit se marquer sur le plan humain, par la distribution, l'aide alimentaire, de toutes les façons que ce soit possible. Bien sûr. Nous avons fait partir un camion hier matin, qui est parti à Lviv avec du matériel médical. Il y en avait pour 6 tonnes de matériel médical que nous avons envoyé à Lviv. Ça, ce sont des marques, en même temps, de solidarité humaine. Voilà, on passe d'abord par la solidarité humaine, envoyer des denrées alimentaires, par exemple des denrées non périssables, on pense à ça en premier lieu, absolument, évidemment. Et puis aussi du matériel, on sait qu'il y a eu des collectes qui ont été organisées, on a envoyé des denrées du quotidien, du dentifrice, des vêtements, des choses comme ça. C'est la priorité absolue pour aider les Ukrainiens dans un premier temps. Quand viendra le temps de la reconstruction, on l'espère le plus tôt possible, l'aide sera différente évidemment et ces denrées seront aussi importantes à fournir. Écoutez, nous avons un rendez-vous samedi matin avec la Banque alimentaire de Metz. D'accord. L'idée, c'est de créer une banque alimentaire aussi capable de recueillir toutes les denrées qui ne sont invendues. Et ensuite, justement, à partir de là, la distribuer aux différentes associations pour qu'elle le donne aux gens qui en ont besoin. Donc, on ira visiter la Banque alimentaire de Metz pour voir comment s'organise la Banque alimentaire en France, comment elle procède et de quelle manière on pourrait envisager, justement, de transférer ce modèle-là à Lviv pour débuter. On ira visiter ce centre. D'avoir ce premier point de départ donc à Metz ensuite... Alors, dites à vos électeurs que s'ils veulent nous aider, ils peuvent aller sur le site de USOM. USOM.org, HUSOME.org. Et ils peuvent cibler leurs dons directement sur Ukraine. Ok, très bien. Moi, je veux dire que depuis le début de la guerre, l'inflation est 50%, c'est-à-dire 13% par an. Et la population et les salaires n'augmentent pas si vite, sûrement. La retraite minimale, c'est 55 euros. Et les prix sont presque les mêmes qu'en France. Ok. C'est-à-dire vraiment, les retraités, s'ils n'ont pas aidé par les enfants ou d'autres, ils sont en grand besoin. Il y a aussi les gens qui sont aussi handicapés et d'autres types de populations sensibles qui ont besoin d'être aidés. Et les personnes déplacées qui refont leur vie dans l'autre côté du pays, on essaye de les aider. Et jusqu'à maintenant, l'armée est aidée par la population. Ceux qui ne peuvent pas investir de l'argent pour les drones, pour d'autres choses, ils investissent leur temps. Ils investissent leur temps, effectivement. Ils font des filets, ils font des bougies pour les tranchées, ils font de la nourriture. Et tous les jours, moi, j'ai plein d'amis qui sont bénévoles, qui s'occupent de ça, et ils envoient ça au front. C'est-à-dire, l'État n'arrive pas à assurer complètement tout ce qu'il faut parce que la guerre est très épuisante, on peut dire. Alors, la Russie, quand même, est grande, elle est puissante aussi. Et par rapport à ça, mais on résiste avec cette, comment dire, solidarité ce soutien de la population. Voilà, le soutien de la population permet aussi... Ce qui est intéressant, on envoie les denrées et d'autres choses nécessaires au front pour les gens qu'on ne connaît pas du tout, même les soldats. On dit qu'on a besoin là-bas. On envoie dans ce point-là. Et je crois que quand dans une tranchée, tu reçois une brioche ou d'autres choses... Qu'elle vienne d'un inconnu ou de quelqu'un qu'on connaît finalement. Oui, de plat national. C'est le sentiment qui fait... On a déjà appris de faire des choses séchées, les soupes séchées d'autres choses, juste ouvrir un paquet, un pot d'eau, et ça rappelle un peu le plat de la maison. Et même, nous avons par exemple bénévoles qui font ces produits séchés. On a besoin des appareils pour cela. D'accord. Il y a beaucoup de besoins, c'est-à-dire qui peut donner le don, c'est bien, qui peut envoyer les appareils ou d'autres choses. Vous contactez USOM et nous disons les besoins que nous avons. Et bien sûr, pour sauver la vie, jusqu'à maintenant, on demande des trousses de pharmacie pour les soldats. Oui, des trousses de premiers secours, en tout cas, pour pouvoir permettre d'au moins appliquer les premiers secours avant que ensuite vos équipes qui sont formées, du coup, et aussi le personnel médical que vous formez avec USOM puissent intervenir soit directement sur le champ de bataille, soit aussi dans vos nombreux centres ou points dans lesquels vous travaillez. Donc, vous l'aurez compris, si vous souhaitez aider en premier lieu le peuple ukrainien, la meilleure chose à faire, c'est la solidarité, que ça passe par des denrées alimentaires, des denrées du quotidien, des vêtements ou autres, mais aussi, vous pouvez vous rendre sur le site internet de USOM, usom.org, husome.org, pardon. Et de là, vous pourrez aussi contacter directement l'association et vous pourrez échanger sur peut-être des objets, des outils que vous pourrez faire parvenir, puisqu'il y a des camions qui partent. Hein, on le rappelle, il y a encore un camion qui est parti cette semaine avec près de 6 tonnes de matériel et de denrées alimentaires qui est parti directement en Ukraine afin de venir en aide à la population. Mis à part le site internet, où est-ce qu'on peut retrouver vos actions? Où est-ce qu'on peut retrouver, où est-ce qu'on peut vous suivre, USOM, pour aussi participer? Parce que la solidarité, c'est aussi faire passer l'information autour de soi. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, bien sûr. Nous avons notre site, usom.org, mais nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Vous avez aussi USOM Ukraine, puisque USOM est enregistré en Ukraine, et USOM est une de nos antennes en Ukraine qui existe et qui a son propre site. Bien évidemment. Donc, pour ceux qui savent lire l'ukrainien, ou d'ailleurs c'est traduit aussi en anglais, ils peuvent aller sur usom.eu. usom.eu. Voilà. Ukraine. Donc, comme ça permettra de retrouver également aussi l'ONG directement en Ukraine, l'antenne ukrainienne de l'ONG, qui est traduite pour en anglais au niveau de l'international. C'est quoi votre prochaine action? Alors nous sommes bien évidemment aussi à Gaza, et à Gaza, à partir du mois de mars, quand plus aucune nourriture ne pouvait rentrer à l'intérieur de Gaza, il y a eu un effondrement, je crois, sur le plan humain, de la solidarité interhumaine, de manière très très importante, où les gens étaient affamés et n'avaient plus qu'un seul souci, celui de survivre. Et donc, on a vu à ce moment-là des échauffourées pour essayer d'avoir de la nourriture, se disputer, etc., lorsqu'il y a eu les parachutages, lorsqu'il y a eu la distribution qui était organisée par les forces d'occupation. Les gens se sont entre-déchirés pour essayer d'avoir de la nourriture. Et c'est alors qu'on a vu apparaître des enfants dans les rues de Gaza, tout seuls, avec des marmites, essayant de trouver de la nourriture à leur tour. Et donc, immédiatement, les équipes que nous avons sur place sont parties pour se rendre compte que ces enfants étaient des enfants qui étaient des survivants de leur famille, de toute leur famille. Et ils avaient été pris en charge par des voisins, etc. Mais dans la situation de famine dans laquelle se trouvaient ses propres familles, ces enfants avaient été abandonnés. Et donc, ils étaient dans les rues de Gaza. Nous avons même trouvé dans une tente une jeune fille de 17 ans avec son frère de 4 ans qui était en train de se laisser mourir de faim. Il n'y avait personne pour les aider. Donc nous avons ouvert un orphelinat et recueilli ces enfants pour les mettre en sécurité. et nous en avons eu 33. Nous avons réussi à en trouver pour trois d'entre eux, nous avons réussi à trouver de la famille qui existait encore à Gaza. Il y en a 30 encore que nous avons pris en charge. Et donc, nous avons des assistantes maternelles, il y en a 6, il y a 4 travailleurs sociaux, il y a une psychologue, ces enfants sont psychotraumatisés de manière très importante avec à la fois des réactions agressives extrêmes et des inhibitions, des enfants qui ont des énurésies, etc. Nous avons un vrai besoin financier là-dessus, car la nourriture à Gaza est très chère. Un kilo de farine, c'est 70 euros. D'accord. Pour vous donner une idée, même si maintenant nous trouvons plus de nourriture, n'empêche que pendant une période, eh bien, c'était ce prix-là qu'il nous fallait payer. Donc, nous organisons le 15 février une soirée, un après-midi caritative à Cérémange, dans le nord de Metz. Alors, bien évidemment, il vous suffit d'aller sur usom.org et vous inscrire pour cette soirée caritative dont l'ensemble de ce que nous aurons fait comme bénéfice ira bien évidemment pour notre orphelinat. Qui ira pour l'orphelinat, donc à Gaza. Et je peux rappeler aussi aux gens, à ceux qui nous écoutent, qu'il est directement sur nos sites et ciblé orphelinat Gaza, en sachant que vraiment, nous avons besoin de leur aide là aussi. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Natalia d'être venue nous parler non seulement de la situation en Ukraine, aussi de votre travail avec l'ONG USOME, je rappelle, H-U-S-O-M-E, si vous cherchez sur internet, et également de cette semaine de formation pour être formateur à la pédagogie par simulation auprès d'enseignants de l'université de Lviv en Ukraine, qui sont aussi des formateurs et qui travaillent aussi avec vous à l'ONG USOME. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. On se donne rendez-vous donc le 15 février à Cérémange dans le Nord de Metz pour votre soirée caritative où l'ensemble des dons ira et notamment du bénéfice, je le rappelle, partira pour l'orphelinat de Gaza. Et vous pouvez donner directement sur le site de USOM en ciblant Ukraine ou alors l'orphelinat ou encore les autres combats, puisque je rappelle que vous êtes présent également en Syrie ainsi qu'au Soudan. Merci. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. À bientôt.